Peace. I'm not alone. Bonsoir, bienvenue aux Dionautes, vagabond des fréquences modulées, arpenteur des émotions sonores. Bienvenue dans la 8e heure de Tokyo Mental. Je suis votre narratrice pour les 60 prochaines minutes. Mon nom est Rose. Le narrateur est cloué au lit par une grippe, il vous passe le bonjour. Ce soir, nous allons encore explorer les chemins de la Tokyo imaginaire, au travers de la musique et des émotions qu'elle génère. Vous êtes prêts? Fermez les yeux. Le voyage commence. Le voyage vers Tokyo Mental. Tokyo Mental. あの、その、ただ、その、見て、僕見て、見て、見て、ねえ、見て、ほら、僕見て、君見て、恋して、いる、僕見て、星見て、夢見て、でも、僕見て、朝見て、夜見て、また、

Thank you. did you? Hello, my friend. 君に恋した夏があったね。短くて気まぐれな Thank you. 東京メンタル。 東京は夜の7時。東京は夜の7時。 Stereophonic sounds spectacular. Yeah, yeah, yeah. Woo! 東京は夜の下。 完全掌握の結末を世界は終わり始めたという宛名のない言葉が権力を風すみ枠の道へ続きは昼寝の後でやりたいようにやったって誰か邪魔してくれないかな勝負はいただきビーマイ抗えない欲望にキスアンクライてっぺんで見下ろしたい完全掌握の結末をいつまで欲しいものかあるなら目を離す絶対に勝ち取りたい単純明快な独り言 ラジオプルサ ー So everything that makes me whole 今君に捧げよう I'm yours 響き合う歌が れたくて震えてく声が勘違いしては自分になってくなりたくてならせないが生きてても確かめるまで終わらせないでただ黙っていた思ってるほどこらえられた冷え切った視界で今日を燃やしてく学でよかった大丈夫泣いて言えたほど些細な痛み割り切ったけど君に出会って許されてく全然取れやしないやつが暗く黒く塗りつぶしたとしても決して奪われない prochaine, Tokyo Mental change de jour et d'horaire. Désormais, Tokyo Mental sera diffusé le vendredi de 21h à 22h. Vous pourrez retrouver toutes les informations sur l'émission et les playlists en vous rendant sur radio-pulsar.org/tokyomental avec un E. Je vous souhaite une bonne nuit et vous donne rendez-vous avec le narrateur vendredi prochain à partir de 21h. ラジオプルスター 。 I'm not alone.